Le programme que vous allez écouter est une rediffusion. Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a la montaña del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes, programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et retransmis le jeudi matin de 8h à 9h30. Mais la quatrième semaine, donc pas la troisième, la quatrième. Mais vous pouvez retrouver évidemment nos programmes aussi sur le blog La jungle des luttes. Donc on a toutes les émissions normalement, alors dans les jours qui suivent. Bon, parfois on peut traîner, mais en tous les cas, vous pouvez la retrouver sur le blog La Jungle des Luttes. Vous pouvez aussi avoir d'autres informations sur le site du CSPCL, donc cspcl.ouvaton.org. Donc, du coup, on va faire une petite émission aujourd'hui avec Ibrahim, qui est ici pour la COP21 notamment. Donc, il nous parlera un petit peu de son association qui travaille au Cameroun. Donc, il a déjà une longue histoire puisqu'elle a été créée en 2007. C'est le cofondateur de cette association Carré Géo et Environnement. Donc, il pourra nous en parler de tout ce processus, de cette action qu'ils ont pu mener de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, avoir le statut d'observateur, justement, et donc de pouvoir suivre de près ce qui est en train de se démêler dans les enceintes voilà, de ceux qui nous dirigent. Et donc, sur la question de l'environnement, évidemment, c'est un peu ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui, enfin, pas que, mais en tous les cas, c'est ce qui nous occupe depuis quelque temps. Il y aura notamment, justement, sur FPP, du 7 au 12, donc toute la semaine du 7 au 12, spécial COP21. Donc ce sera un petit peu toute la journée avec des plateaux en direct, avec des invités, avec des gens qui se retrouvent là sur la COP de façon exceptionnelle, donc à Paris, et de pouvoir aussi avoir des enregistrements faits dans un certain nombre d'activités ou de rencontres qu'il y aura. Donc vous pourrez suivre, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, du coup un petit peu de plus près du 7 au 12 sur FPP. Et donc, aussi, tiens, je peux en profiter pour faire encore quelques petites annonces, parce que s'il y en a qui ne nous écoutent pas jusqu'au bout, on a 20 ans, notre comité de solidarité aujourd'hui, donc le CSPCL 2015, et on a déjà fêté, mais on continue à fêter tant que c'est nos 20 ans. Nos 20 ans, donc c'est ce week-end. Le samedi, on sera à un marché solidaire au CICP, donc ça sera l'occasion pour vous de nous rencontrer si vous voulez. Et le lendemain, donc peut-être. Bon, on a prévu une balade avec un conte lu par les copains de Tamerantong au Vignol, puisque ce sera le départ de la balade au Vignol dans le 20e. Et on se promènera a priori dans le quartier, dans cette zone, avec des petites prises de parole sur la question des violences policières. Donc voilà, autant sur la question des violences policières que sur la question de la défense de nos territoires et de nos lieux de vie. Et on finira avec un concert au CICP. Donc vous avez toute la possibilité évidemment de suivre ça sur le site, les infos. Et on continuera, notre émission va pouvoir commencer. On va faire une petite pause musicale et donc on se retrouve avec Ibrahim et continuera ensuite avec la vague de répression qui touche les anarchistes en Espagne avec Manuel et Jens. Et puis on aura encore d'autres petites choses d'ici 8h30. Musique. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions. passions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. FPP 106.3, la jungle des luttes, hommage à toutes les victimes des violences policières ou pas que justement en ces jours. Donc on va faire le bonjour Ibrahim. Bonjour Virginie. Alors du coup tu fais partie, tu es cofondateur d'une association Carré Géo et Environnement qui a été créée en 2007. Donc, vous avez donc un long parcours, ça fait déjà 8 ans, et vous avez eu plusieurs étapes. T'as, toi, en tous les cas, travaillé de façon très active dans cette association. On va te laisser nous raconter un petit peu ce qu'est le Cameroun, pourquoi cette association, ce qui s'est passé, ce qui s'y passe. On te laisse commencer à nous raconter comment t'es venue cette idée de créer cette association et de la mener jusque-là. D'accord. Alors, merci encore Virginie de m'avoir invité à cette jungle des luttes. Jungle des luttes, voilà, sur Fréquence Paris Première pour justement pluriel voilà, voilà. Pour justement parler des combats que je mène dans le cadre des luttes environnementales au Cameroun. Ceci justement dans le cadre de mon association, Carigeux Environnement. Alors, déjà pour répondre à ta première question, je vais dire que Carigeux Environnement est une association étudiante, puisque Carigeux Environnement est né au sein de l'Université de Yaoundé 1. À l'époque, on s'amuse un peu à faire des conférences dans le cadre du club géographie. Et l'idée pour nous, en fait, c'est de se retrouver tout le temps pour échanger, discuter. Et voilà. Donc, c'était plus pour s'amuser au départ que ce que Carigeux Environnement est devenu aujourd'hui. Parce que depuis cette époque-là, de l'eau a coulé sur la planche. Et voilà, plus tard, je me dis, c'est un cadre qui ne me suffit plus assez pour m'exprimer. Et je prends donc l'initiative avec justement certains camarades de sortir cette petite association du cadre universitaire pour le mettre sur la place publique. Et toujours dans le cadre de la sensibilisation, parce qu'au départ, on se rend compte qu'il y a beaucoup de manquements qui sont faits. Moi, personnellement, je suis d'abord attiré par le fait qu'il y avait une mauvaise alimentation qui commençait déjà à s'installer au Cameroun. C'est-à-dire qu'au détriment de notre alimentation, qui pour moi me semblait assez naturelle, assez en osmose avec la nature, on remarquait qu'il y avait des manières, des comportements qui s'installaient dans les familles, dans la population, contraires à cette alimentation qu'on avait au départ. C'était par exemple l'utilisation de la matière plastique pour emballer de la nourriture, ce que chez nous on appelle le couscous, et je sais qu'ici on appelle ça la semoule. Donc, je me rappelle, en fait, le premier combat que je commence à mener, c'est au sein de ma famille. C'est-à-dire qu'au préalable, moi, je suis originaire d'une région où on consomme beaucoup de semoule. Et avant, quand on préparait la semoule, pour la conserver, pour qu'elle soit toujours bien chaude, on la mettait dans des assiettes qui conservaient bien la chaleur. Et on emballait tout ça, on enroulait tout ça dans une énorme couverture pour que ça continue à être chaud. Et plus tard, je me rends compte que ma mère, elle avait délaissé complètement ce comportement-là pour adopter celui d'emballer la semoule dans la matière plastique. Or, il se trouve qu'avec mes recherches, avec les cours qu'on avait reçus, je savais que de toutes les façons, la matière plastique contenait de la matière cancéreuse. Donc, du coup, moi, ça m'interpelle. Je dis, maman, c'est pas bien que tu emballes le couscous dans la matière plastique. Alors, évidemment, pour elle, elle ne comprenait pas, en fait, ce que j'essayais de lui faire comprendre. Elle me disait tout le temps, tu déranges beaucoup. Voilà, tu nous emmerdes avec tes histoires. Laisse-nous faire. Tout le monde fait comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, quoi. C'est comme ça que moi, ça commence à m'interpeller. Et je me dis, en fait, je me rends compte qu'il y a un vide. Et c'est comme ça, donc, sortant dans le projet de notre club, du cadre étudiant, je décide donc de monter clairement une association, on monte les statuts et on se rapproche de l'Institut français du Cameroun, de Yaoundé, pour qu'il nous octroie un espace où on pourrait justement organiser des conférences pour sensibiliser le public de manière un peu plus large, parce que moi j'estimais que ça ne suffisait plus que d'avoir pour seule cible les étudiants. Je voulais pouvoir toucher un public un peu plus large. Heureusement, l'IFC au Cameroun à l'époque est sensible à notre discours et nous octroie justement la salle où pendant au moins 5 ans, on a organisé beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres de sensibilisation sur plusieurs thèmes différents, notamment beaucoup de sensibilisation sur l'utilisation de la matière plastique. Je me rappelle d'une conférence qu'on avait faite avec le professeur Kenny Fodrop, qui à l'époque était comment dire ça, le chef du département de l'Université de Yaoundé 1, du département de géographie, autant pour moi, de l'Université de Yaoundé 1. Alors, le thème de la conférence, c'était la pollution plastique. Et ce jour-là, ma grande surprise, parce qu'en fait, on affichait, on sortait des affiches de communication pour communiquer autour de l'événement, qu'on placardait un peu partout dans la ville. Et à ma grande surprise, ce jour-là, il y avait un monde fou à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Voilà. Et voilà à peu près comment est-ce qu'on a démarré. Et donc, du coup, vous avez continué à travailler une fois que vous avez eu envie de passer encore à une autre étape, du coup, parce que ça marche. Et donc, vous êtes passé à une autre étape après. Oui, voilà. Donc, au départ, justement, il faut préciser qu'au départ, on le fait vraiment de manière bénévole. Pour moi, c'était quelque chose... Alors, j'ai envie de le dire comme ça, parce que c'est un peu marrant. L'Institut français, après 3, 4, 5 conférences, décide comme ça, un jour, il nous appelle... La responsable, qui est d'ailleurs une Française, je pense qu'elle est retraitée aujourd'hui, Madame Monchot, si elle nous écoute, bonsoir. Alors, ce jour-là, elle nous appelle dans son bureau, elle nous dit, écoutez, la direction a décidé de vous octroyer 50 000 francs CFA pour chaque intervention que vous allez faire désormais. Alors, 50 000 francs CFA en euros... Je ne sais même pas si ça fait 30 euros. Hein. Mais bon, ça représente sûrement beaucoup d'argent. En fait, j'ai juste envie de dire que pour nous, vraiment, la motivation, ce n'était pas l'argent. Parce que vraiment, 50 000 francs entre la préparation déjà de la conférence, Oui, de toute façon, l'objectif, c'était de toute façon, produire. Voilà, voilà comment est-ce qu'on commence. Pour nous, c'était un peu de se faire connaître, de sensibiliser le public sur ces enjeux-là. Et je me rappelle également d'une autre conférence avec un thème très, très actuel aujourd'hui. C'était le projet de sauvetage du lac Tchad et conséquences. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique et on parle justement de l'impact que l'assèchement du lac Tchad a sur les vagues de migration qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on a traité ces sujets-là depuis pas mal de temps et on alertait déjà là-dessus. Et voilà quoi. Donc, plus tard, après ces conférences de sensibilisation, on décide de passer vraiment à des choses un peu plus sérieuses. C'est comme ça qu'on commence à s'impliquer justement auprès de notre ministère de tutelle de l'environnement. On se fait connaître là-bas. On se dit de toutes les façons, il faut d'une façon comme d'une autre commencer déjà à s'impliquer dans les processus de loi liés à l'environnement. Et c'est comme ça qu'on met sur pied le premier plaidoyer justement pour la création d'une loi pour l'interdiction de la matière plastique non biodégradable. Donc on se met là-dedans avec l'idée, c'était au départ de sensibiliser les cadres de l'administration centrale pour que quelque chose soit fait, c'est-à-dire pour qu'une loi soit votée là-dessus et puis mise en application. Ça, c'était en quelle année du coup? Alors, ça, c'était dans les années, 2009. Dans les années 2009. Donc, de façon concrète. Et plus tard, on se retrouve également amené à notre plaidoyer. C'était un plaidoyer sur l'intégration des changements climatiques dans les programmes et politiques de développement au Cameroun. Parce qu'en fait, justement, on s'était rendu compte que dans les différents textes donner un peu la vision des développements du Cameroun à l'horizon 2035. Notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi, nulle part on ne parlait de changement climatique là-dedans. Donc on s'est dit que c'était un déficit qu'il fallait très rapidement résorber. Donc de manière plus spécifique, il s'agissait en fait d'élaborer un document qui pourrait servir pour acter la contrainte climatique dans le processus d'élaboration des plans communaux de développement. Donc, à l'issue de ce plaidoyer-là, on a édité ce document-là, on l'a diffusé, on a formé des élus locaux là-dessus, de manière à ce qu'ils puissent désormais tenir compte des changements climatiques quand ils mettent en œuvre des projets de développement dans leur localité. Et donc ça, ils l'ont bien pris, ils l'ont appliqué facilement. Alors, au départ, il faut dire que ce n'était pas très facile parce que l'un des problèmes qu'on a rencontré, c'était que les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun ne sont pas dotées d'un service technique pour l'élaboration eux-mêmes de leurs documents de stratégie. Du coup, ils sont obligés souvent de sous-traiter ça avec, voilà, ça peut être des cabinets. Et ça fait que très souvent, ils se retrouvent en train de les sous-traiter avec des cabinets qui ne sont pas forcément outillés en la matière. Donc, c'était ça la difficulté qu'on a rencontrée. Donc, déjà, quand on en parlait, pour eux, ils estimaient que le simple fait qu'ils disent, par exemple, que dans leur commune, ils ont par exemple un projet de reboisement, ils ont par exemple un projet où ils interdisent aux gens de couper, ça suffisait largement pour eux lutter contre le changement climatique. Or, le changement climatique, c'est quelque chose quand même d'un peu plus large que ça, un peu plus global. Donc voilà, nous on voulait plus travailler sur le long terme, c'est-à-dire que sur l'aspect non seulement adaptation, mais atténuation en même temps. C'est-à-dire que l'idée, c'était de les amener déjà à faire une certaine transition, plutôt que de faire des projets où plus tard on va encore être obligé de recommencer à colmater des brèches. Il vaudrait mieux faire par exemple des projets d'énergie renouvelable, du biogaz par exemple. Ça, c'est ce que vous leur proposez du coup, ça. Voilà. On a bien compris. Mais du coup, sur le terrain, en fait, finalement, tu racontais, et ça, c'était quelque chose qui avait fait écho à ce que nous, on peut vivre, je sais pas, quand on va sur les territoires en Zapatiste notamment, mais pas seulement, mais au Mexique et partout en Amérique. C'est-à-dire qu'en général, la question de la forêt et de la terre, c'est qu'en fait, il y en a qui veulent se l'approprier. Donc, par exemple, le bois, on peut accuser les peuples, les communautés indigènes de brûler trop de bois quand on sait qu'en vérité, le bois, il est coupé par des grandes entreprises. Donc, l'autre fois, tu me racontais aussi quand on s'était parler la première fois, tu me racontais justement, quand on voit ce que c'est la déforestation et la consommation d'un foyer en bois, ça n'a rien à voir avec les hectares, les millions d'hectares qui sont déforestés pour les entreprises qui, elles, font beaucoup d'argent. Parce que comme tu disais, justement, ils ont des cabinets, c'est-à-dire que tous ces hommes politiques, ils ne peuvent pas maîtriser toutes les questions, donc ils ont affaire à des cabinets qui, en réalité, défendent aussi peut-être d'autres intérêts que ceux des populations. Exactement. Donc, du coup, c'était ça, c'est même à ça que je voulais arriver. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que pendant qu'ils nous disaient qu'ils ont mis sur pied, par exemple, un projet pour interdire à la population, la communauté locale, justement, de pouvoir déboiser, mais on se rendait compte qu'à côté, ils avaient octroyé un permis de coupe à une société qui venait ravager. Donc, du coup, nous, on estimait que c'était, voilà, quoi, il y avait une certaine incohérence pour eux qui disaient lutter justement contre la déforestation, mais voilà, ils estimaient que, enfin, pour nous, ce n'était pas ce qu'on entendait par lutter contre le changement climatique, parce qu'en même temps, nous, on pense sincèrement que, d'ailleurs, il y a des rapports qui le disent, que la consommation du bois énergie faite par les communautés autochtones ou alors locales ne contribue pas du tout à la prolifération des gaz à effet de serre ou alors à la déforestation. Elle ne contribue pas. Au contraire, c'est la déforestation massive et sauvage que font les sociétés auxquelles justement on octroie des droits de coupe. Ce sont elles qui contribuent justement à cette déforestation-là. Non, c'était en fait ça, le véritable défi. Alors eux, ils nous retorquaient que de toutes les façons, ce sont ces sociétés-là qui permettent de générer des taxes avec lesquelles ils peuvent gérer leur circonscription. On leur dit d'accord, mais à côté de ça, ils pouvaient faire autre chose. Par exemple, faire des projets de foyers améliorés. Ça également, ça pourrait permettre justement à ce que les femmes qui vont couper puissent utiliser ces foyers-là pour faire de la cuisson. Donc, Ibrahim essaie de travailler au corps les politiques pour qu'ils essayent d'entendre quelque chose à la question de la protection de l'environnement. On va continuer, mais on va faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur FPP 106.3. na papo ya mi bolo etante na na mwa se mundende na timbi wala bosinga bongo nyole yobani mokuti ndena na jibe mwe na sikwala kembo kina wo nje moye poliwa kina wo nje moye poliwa FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, en direct tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. On continue avec Ibrahim de l'association Carré Géo et Environnement. Et donc voilà tout ce parcours de cette association qui essaye de contraindre le plus possible les élus locaux pour essayer de préserver la forêt, l'environnement. Et donc, bah voilà, du coup, Ibrahim, on te laisse continuer. Donc, il y a eu plein de guides, plein de plaidoyers. Tu t'aperçois qu'effectivement, bon, bah, y a, bon, c'est difficile, hein, parce qu'il y a trop d'intérêts économiques. Voilà. Mais bon, on peut, faut continuer la lutte. Oui, il faut la continuer. La lutte, c'est... Ouais, il faut continuer, parce que de toutes les façons, comment dire ça, s'il n'y a personne pour le faire, enfin... Comment dire, il n'y a personne qui pourrait le faire à notre place. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il faut continuer. Donc, du coup, dans la même logique, après ce plaidoyer-là, parce qu'en fait, pour nous, c'était le préalable, c'était le béaba, c'est-à-dire que comment on pourrait parler des mécanismes, justement, qui viennent lutter contre le changement climatique si déjà, dans l'ensemble, ce n'est pas intégré, ce n'est pas compris. Donc, c'est pour ça qu'au préalable, on a d'abord mené ce premier plaidoyer-là. Donc, tu vas donc comprendre que plus tard, On se retrouve, Carige Environnement se retrouve impliqué dans un processus justement qui, selon les Nations Unies, permet de préserver les forêts. C'est le mécanisme RED+, RED+ qui est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc, il se trouve que c'est un mécanisme qui, selon la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est accessible de manière libre et souveraine par chaque État qui le souhaite. C'est-à-dire chaque État qui a ratifié cette convention-là peut souscrire à ce mécanisme-là. Mon pays donc décide en 2012 de mettre en œuvre là ce mécanisme-là au Cameroun. Dans le processus de mise en œuvre de ce mécanisme-là, il y a d'abord la rédaction d'un document qui est en fait la RPIN, qui est un peu le plan directeur, qui dit comment est-ce que le gouvernement entend, à court, moyen et long terme, intégrer ce mécanisme-là sur tout l'étendue du territoire national. Donc, et il se trouve que dans la mise en œuvre de ce mécanisme-là, l'implication de la société civile est obligatoire. Mon gouvernement, donc à cette époque-là, je pense que ça devait être en juin 2012, décide d'organiser un atelier en vue de structurer la société civile camerounaise pour sa contribution à ce mécanisme-là. C'est comme ça que Carige Environnement reçoit une invitation pour participer à cet atelier-là. On se concerte d'abord entre nous, société civile. Au départ, on estime qu'en fait, il n'appartient pas au gouvernement de venir structurer la société civile. On soupçonne déjà d'avance que c'est une façon, une fois de plus, de nous instrumentaliser dans ce processus-là. Mais après, au finish, on se dit de toutes les façons, il faut y aller parce que la politique de la chaise vide, ça n'a jamais profité à personne. Donc, on y va. Et à l'issue donc de cet atelier-là, il y a 9 personnes qui sont élues pour diriger la plateforme de la société civile dans ce mécanisme-là. Parce qu'en fait, il y a une plateforme qui est née, une plateforme qui regroupe un peu tous les réseaux, associations, organisations de la société civile camerounaise qui travaillent sur les changements climatiques-là pour que nous puissions contribuer justement à ce mécanisme-là. Et je fais partie des 9 personnes qui sont élues. Et voilà, il est question donc que nous, le bureau de coordination, nous puissions mettre en œuvre des mécanismes d'abord de communication interne au sein de la société civile. Nous puissions recenser toutes les organisations de la société civile qui travaillent vraiment sur cette thématique-là, de manière à ce que chacun ait un pan de responsabilité là-dedans. Il est question également que nous puissions servir d'interface entre la société civile, les communautés autochtones et les communautés locales à la base, pour justement échanger, leur faire savoir exactement ce que pensent les différentes communautés dans ce processus-là. Et c'est là où tous les problèmes commencent. J'ai envie de dire que c'est là où tous mes problèmes personnels commencent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me rends compte à un moment donné que mes collègues avec qui on avait été élus, la plupart ont plus ou moins été corrompus également par le gouvernement, c'est ça le mot, parce qu'il y a beaucoup de tractations, parce qu'en fait, à l'issue de cet atelier-là, il est question de sortir un communiqué qui rende fidèlement compte de l'esprit de l'atelier. Et le problème commence à se poser au niveau où nous ne sommes pas d'accord sur les mots qui doivent être utilisés dans ce communiqué-là. Moi, par exemple, je me rends compte que dans le communiqué, certains essaient de présenter la chose comme si la société civile était déjà d'accord pour la mise en œuvre de ce processus-là au Cameroun. Or, il se trouve que l'esprit de l'atelier, c'était de consulter la société civile pour savoir si oui ou non nous voulons participer, si nous sommes même d'accord pour ce processus, dans le fond, en tant que mécanisme qui pourrait lutter efficacement contre le changement climatique. C'était déjà d'abord ça. Sur ce point-là, je me rends compte que beaucoup de mes collègues essayent plutôt de présenter le communiqué comme si nous y sommes déjà, comme si nous avons déjà donné notre accord. Et en ce moment-là, je commence à marquer un point d'arrêt et les discordes commence entre nous, on fait des réunions entre nous de la société civile jusqu'au jour où un de mes collègues directs, celui d'ailleurs avec qui... en fait, à l'époque, nous sommes pratiquement les deux à être insérés dans plusieurs autres réseaux sur le plan international qui travaillent sur cette thématique-là. Donc, nous, on fait partie d'un réseau, lui et moi, sur les changements climatiques au Cameroun et sur le plan international, notamment le Climate Action Network International. Donc, c'est plus avec qui je me sentais proche, jusqu'au jour où il vient me dire, au cours d'une de nos réunions là-bas au Cameroun, il vient me dire, Ibrahim, les autres souhaitent que tu démissionnes de la coordination. Je lui dis, mais Michel, tu es en train de me demander de démissionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je devrais démissionner? Pourtant, j'ai été élu normalement. Et les autres estiment que tu devrais démissionner sans me donner de raison. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, il y a des choses qui se sont tramées dont je ne maîtrise pas forcément les enjeux. Enfin, je ne sais pas si je ne maîtrise pas les enjeux, mais voilà, qu'on m'a caché... En tous les cas, tu les déranges. Voilà, que je dérange, effectivement. Donc, et jusque-là... Mais ce n'est pas là qu'ils t'ont arrêté. Non, du tout. Donc, jusque-là, je maintiens jusqu'au jour où ils organisent... Enfin, on organise encore une autre réunion de notre réseau là-bas sur le plan local, où je me rends compte que ce collègue-là a organisé toute une campagne de dénigrement sur ma personne. Ce jour-là, c'est pratiquement mon tribunal qui est fait. Voilà, c'est-à-dire que... C'était après d'abord, que tu sois, que t'aies été arrêté et torturé, en fait, que ça tu l'as pas avant. Raconté. Ça c'était avant, parce qu'en fait la guéguerre commence d'abord entre nous, au sein de la société civile. Et plus tard, comme je m'entête, je me rends donc compte en ce moment-là que ça ne va pas, nous n'avons plus la même vision au sein de la société civile. C'est là où je prends donc l'initiative de rédiger ce communiqué-là. Je rédige donc un communiqué où je dénonce d'abord tout ce qui se passe au sein de la société civile et je me rends compte qu'en fait, le véritable instigateur de tout ça, ce n'est pas forcément certains de mes collègues, mais c'est le ministère en charge de l'environnement. C'est lui qui essaie de nous diviser pour mieux... régner. Donc voilà, je sors dans un communiqué que je diffuse justement auprès des institutions financières qui étaient supposées accompagner le gouvernement du Cameroun dans la mise en œuvre de ce processus-là, notamment la Banque mondiale, le programme ONU-RED, voilà. Et l'une des conséquences directes de ce communiqué-là, c'est que le responsable en charge de la Banque mondiale qui pilotait ce projet-là, puisqu'en fait à l'époque, c'est la Banque mondiale qui finançait tout le processus entre l'élaboration des thèmes, des référents, l'organisation même déjà de notre atelier, c'est la Banque mondiale. Il se trouve donc que ce responsable-là est limogé, parce que j'avais envoyé le courriel directement à sa supérieure, qui était basée à Washington. Et elle a du coup réagi en m'envoyant un email en demandant à ce qu'une rencontre puisse être organisée entre nous. Voilà. Bref, de toutes les façons, toujours est-il qu'après ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, il avait trempé dans beaucoup de magouilles et il a été limogé. Et mon gouvernement, se rendant compte que de toutes les façons, j'avais déjà commencé à nuire, décidant de passer à la vitesse supérieure. Et je reçois une convocation des renseignements généraux du Cameroun qui me convoque à la gendarmerie nationale. Et quand j'arrive à la gendarmerie normalement, pour moi, j'estimais que je ne reprochais rien, donc j'y vais sans mon avocat. Quand j'arrive là-bas, on commence à me poser des questions. Entre autres, c'est quoi Carugeon Environnement? C'est une secte? C'est financé par qui? Il n'y a pas un parti politique étranger derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement étranger européen derrière pour déstabiliser le Cameroun? Ben, donc, je veux dire qu'entre ces questions qui m'étaient posées et les activités que nous on menait au sein de Carugeon Environnement, il n'y avait vraiment pas de lien. Et c'est petit à petit que je commence à comprendre qu'en fait, on est en train de m'accuser de quelque chose qui n'entre pas dans le cadre des activités de mon ONG jusqu'à ce que le mot soit lâché, où on me dit clairement qu'en fait je suis accusé de subversion, et comme quoi je vais à l'encontre des intérêts de mon gouvernement. Comment est-ce que je peux, moi, penser que je devrais empêcher mon gouvernement de mettre en œuvre un mécanisme qui, en principe, va résorber la pauvreté, parce que voilà comment est-ce que le gouvernement, dans sa campagne de communication autour de la RED+, essaie de présenter la RED+. Mon gouvernement dit une RED+ qui va développer le Cameroun. Or, on sait très bien que c'est le contraire. Parce que dans son essence, le mécanisme RED+, c'est tout simplement la création de puits de carbone. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait, comptait sur nous en tant que société civile pour qu'on aille dire aux communautés autochtones, on aille dire aux communautés locales que dès aujourd'hui, à cause de la RED+ qui va être mise en œuvre, vous n'avez plus le droit de rentrer dans vos forêts pour aller épuiser les matières dont vous avez besoin pour votre survie. Parce que comme quoi, c'est tout ça qui contribue à la déforestation. Or, c'était faux. Donc moi, j'estimais que je ne pouvais pas aller dire à une communauté comme la communauté Baka des Pygmées qu'à partir de maintenant, votre forêt dans laquelle vous vivez est classée réserve naturelle parce que, et qui a pour conséquence que vous ne pouvez plus aller couper le bois de chauffe, aller couper le bois pour faire de la cuisine, aller chercher vivre dans la forêt. Les produits médicinaux, les plantes médicinales. Moi, j'estimais que ça ne cadrait pas avec la vision que j'avais quand je m'engageais justement au sein de la société civile, parce qu'il faut rappeler que l'objet de mon engagement dans la société civile, c'était pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans leur milieu naturel et non de les délocaliser. Donc, voilà. Jusqu'à ce que ce jour-là, à la gendarmerie, on m'accuse de ça. Et ce jour-là, je me retrouve finalement incarcéré pendant 11 jours où je suis torturé. Et voilà comment est-ce que... C'est après 11 jours que je suis libéré, on me dit « Monsieur, vous êtes libre ». Ceci après qu'on a essayé de me chercher un peu partout, où le président d'honneur de mon association, le professeur Albert Samé Kobo, a essayé de me chercher un peu partout, se rendant compte que mes numéros de téléphone ne passaient pas du tout. Il appelle un autre de ses collègues qui est également enseignant à l'université de Yaoundé 1, M. Georges Mbouy. Et il lui dit, je ne comprends pas, le numéro d'Ibrahim ne passe pas, on avait un travail qu'on devait faire ensemble. Est-ce que, voilà quoi. Comme il était au courant de toutes les tractations qui existaient déjà par rapport à la RED+, il commence à soupçonner quelque chose de pas net. Et c'est comme ça, donc je ne sais pas comment, il réussit à remonter l'information et à se rendre compte que justement je suis gardé dans une cellule. Et voilà. C'est lui, avec sa pression, qui réussit à me faire libérer. On me libère un jour, on me dit « Monsieur, vous êtes libre ». Voilà. Et donc, tu as continué? Ouais, j'ai continué parce que quand on a ce virus en soi, on ne peut pas s'arrêter. Voilà. On va faire une petite pause musicale pour justement partir sur justement ce que tu fais ici à Paris, maintenant qu'on a bien compris tout ce parcours. Oui. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga, chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa, si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente, la vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha, no importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora, ¿quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte de pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura. Yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores, sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño, police. Batallando firme en la lucha, police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On continue avec Ibrahim, Carré Géo et Environnement. Donc un parcours ben voilà, long. Ibrahim, il lâche pas la lucha sigue contre vents et marées. Donc voilà, t'as bien avancé jusqu'à donc, ben, aujourd'hui, plusieurs plaidoyers, essayer de faire pression jusqu'à le payer de ta chair. Et donc... là, ça a été, ben c'est jusqu'à 2013. Effectivement. Alors là, nous sommes en 2013 et il faut rappeler que tout ceci se passe à la veille de la COP19. Et il se trouve que quand je suis libéré, après que j'ai été interné justement au centre hospitalier universitaire de Yaoundé et traité, heureusement, par le professeur Samuel Ekobo, puisqu'il est médecin là-bas. Et voilà, j'ai pu, je crois, 2 à 3 semaines après, prendre mon avion pour participer à la COP19 à Varsovie. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à Varsovie, où, à l'époque, je suis invité, je viens là-bas pour représenter le réseau Climat et Développement. Le réseau Climat et Développement, c'est un collectif d'associations et d'ONG africaines du Nord et du Sud qui est chapeauté par le réseau Action Climat France ici à Paris et une organisation sénégalaise, Enda Tiers Monde, dont j'avais la mission à cette COP21-là de suivre le groupe Afrique parce qu'au sein du processus des négociations des Nations Unies, il y a des blocs et l'Afrique se retrouve dans ce qu'on appelle le groupe Afrique, dont j'avais la mission de suivre le groupe Afrique pour le compte de mes collègues africains qui n'avaient pas pu faire le déplacement. Donc voilà, et d'organiser, j'avais également la mission d'organiser des rencontres, des séances de travail avec les délégations africaines, entre ces délégations africaines-là et nous de la société civile pour qu'on puisse un peu trouver des points de convergence sur la position gouvernementale et la position de la société civile. Donc voilà, ça rentre justement dans le cadre de notre implication, de l'implication de mon association dans le processus des négociations sur le changement climatique des Nations Unies. Donc c'est comme ça que je participe à la COP 19. Et quand je rentre au Cameroun, je mets sur pied également, j'initie, alors pas je, je dirais mon organisation, initie encore un autre plaidoyer pour la création d'une loi spécifique sur les énergies renouvelables au Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un processus qui va crescendo. Après qu'on ait terminé avec le plaidoyer pour l'intégration des changements climatiques dans les politiques de développement, il était maintenant question de manière concrète comment est-ce que le changement climatique devrait se faire, se mettre en œuvre sur le terrain. Et nous, on estime que, au contraire de la RED+, qui est prônée et mise en œuvre par mon gouvernement, la vraie solution de lutte contre le changement climatique, c'est la promotion et le développement massif des projets liés aux énergies renouvelables. Donc c'est dans cette optique-là qu'on met donc sur pied ce plaidoyer-là pour qu'une loi spécifique soit créée sur les énergies renouvelables. Parce qu'on estimait qu'à l'époque, après le recensement qu'on avait fait, il y avait beaucoup de projets liés aux énergies renouvelables mis en œuvre par différents acteurs, mais tout ceci se passait de manière éparse. Il était donc question de pouvoir organiser toute cette activité-là. Et l'étape préalable, justement, c'était la création d'un cadre légal et réglementaire. Donc, on met donc sur pied ce plaidoyer-là et qui aboutit en novembre 2014 par l'organisation d'un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant promotion et développement des énergies renouvelables au Cameroun. Ceci en concertation avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun et les services du Premier ministère. À l'heure actuelle, cet avant-projet de loi est auprès des services du Premier ministère qui va certainement l'amender sur le plan politique et après va le soumettre aux députés pour adoption. Donc, toujours dans le cadre de notre engagement dans le processus de négociation sur le changement climatique, nous participons cette année, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me trouve en France en ce moment, nous allons participer de manière active, comme nous l'avons déjà fait en 2013, à la COP21. Donc, l'idée pour nous de venir participer à cette COP21, c'est d'être en même temps à l'intérieur des plénières, des négociations et à l'extérieur. Pourquoi à l'intérieur ? À l'intérieur parce que nous, on estime que les pays africains aujourd'hui n'ont pas encore d'institutions fortes. Il est question pour nous de mieux représenter l'Afrique. Et du coup, ceci devrait se faire en restant aux côtés de nos délégations gouvernementales. C'est-à-dire que déjà, il se trouve que les délégations africaines viennent à ces COP-là en nombre très, très réduit. Face, par exemple, à des délégations américaines qui sont une centaine, vous comprenez très bien qu'à ce niveau-là, il y a un déficit au niveau de la négociation. Donc, nous, l'idée pour nous d'être à l'intérieur en tant qu'observateurs, c'est d'être aux côtés des délégations africaines, histoire de leur faire passer le message sur les positions de la société civile dont ils devraient justement tenir compte, parce que nous, on estime que c'est nous qui sommes très près des différentes communautés locales et des peuples autochtones, donc on maîtrise mieux exactement ce que ces communautés-là veulent. Donc voilà pourquoi on est à l'intérieur. À l'extérieur, parce que on veut continuer dans cette dynamique-là de la société civile. Tu veux dire, par exemple, coalition climat, c'est-à-dire le regroupement d'un certain nombre d'associations, etc. Quand tu parles de l'extérieur, c'est ça que ça veut dire ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de participer aux différentes activités de mobilisation qui sont organisées et initiées par la coalition climat, dont nous faisons également partie. Donc, notamment la fameuse marche du 29 qui est prévue ici à Paris. Il y a beaucoup d'événements qui sont prévus. Je pense notamment à l'ambassade des peuples autochtones, la quinzaine amazonienne, autant pour moi, où je vais également intervenir là-bas. Et voilà, voilà, grosso modo. Bon, ben, en tous les cas, ce serait intéressant d'avoir des retours parce qu'on est toujours curieux de savoir comment ça peut se passer dans ces grandes plénières de l'ONU avec tous ces gens de ces délégations. Donc, peut-être qu'à l'occasion, tu viendras nous raconter ce que c'est, parce qu'on a du mal des fois à s'imaginer. Toi, tu es quand même confiant sur la capacité à pouvoir faire pencher du bon côté. Au moins, en fait, parce que le truc, c'est que c'était finalement plutôt sur le continent, le groupe africain. Donc effectivement, si on avait, il y a une petite délégation avec des gens qui ne connaissent pas forcément toutes les données que toi, tu peux mettre en avant avec tout le travail que tu as fait. Du coup, c'est difficile de se faire entendre face à une délégation de 100 personnes américaines. Tu crois qu'il y a quand même des possibilités d'écoute en, toi qui as déjà vu d'autres COP, on arrive à écouter des petites délégations? Alors, déjà, il faut dire que de toutes les façons, on essaye de faire court parce qu'il y a la suite, mais bon, c'était oui, juste voilà. Pour finir là-dessus. Oui, voilà. De toutes les façons, ce qu'il faut reconnaître quand même à la société civile, c'est que la société civile, elle est à la base de beaucoup de changements qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc, du coup, si on inscrit le changement plutôt dans un processus et non dans des actions ponctuelles, moi, je pense que de toutes les façons, cette fenêtre qui nous est donnée de participer aux négociations sur le changement climatique, même si certains estiment que ce sont les États elles-mêmes qui polluent, qui sont également encore en train de négocier, que ce n'est pas possible. Mais moi, je pense que de toutes les façons, nous, en tant qu'Africains, c'est le seul système qui existe aujourd'hui qui nous permette au moins de nous faire entendre. Alors, moi, je pense que cette fenêtre, il ne faut pas la fermer comme ça. Il faut continuer à travailler et espérer que, voilà, qu'à l'issue de cette COP-là, il y aura un accord juridiquement contraignant qui va être adopté, même comme au jour d'aujourd'hui, il faut être assez sceptique parce que les États-Unis l'ont dit clairement l'autre jour, qu'il n'y aura pas d'accord, selon eux, qu'il n'y aura pas d'accord contraignant à la COP21. Mais il faut continuer, voilà. Bon, bah, merci de ton témoignage. On va nous continuer de toute façon, bah, toi aussi, hein, avec les gens là où ils sont, avec leur lutte, leur résistance, à essayer de changer de mode de vie en fait. Si on a envie de changer de monde, on change de mode. On peut aussi vivre autrement avec effectivement d'autres énergies, consommer moins. Et en tous les cas, pas oublier de se rencontrer tous les uns les autres. Et en chair et en os. Et vous pouvez aussi passer des bons moments à rencontrer un cirque, des artistes. Il y a le cirque romanesque à la Porte Maillot. Vous êtes peut-être plusieurs à les connaître déjà. Ça fait des années qu'ils sont à Paris pour de longues périodes. Puis ils partent, ils reviennent à Paris. Ils ont souvent des petits problèmes, on les expulse souvent, ils sont pas très aimés, les Roms, vous le savez. Donc eux, ils ont la chance quand même d'avoir un cirque et donc de pouvoir éventuellement avoir des espaces qui leur soient accordés. Parfois, ils se font attaquer aussi par des riverains ou d'autres personnes comme dernièrement. Donc on vous invite tous à aller voir le cirque Romanes Porte Maillot. Donc ils jouent le samedi et le dimanche à 16h et le samedi soir, il y a une représentation à 20h. Donc ben voilà, on remercie Brahim, allez voir Romanes, restez avec nous, on continue, le programme n'est pas fini. FPP 106.3, la jungle des luttes. On profite de ce petit enchaînement pour vous rappeler qu'il y avait quelques temps, on avait parlé justement du camp de Rome qui était amené à être expulsé, qui a été expulsé. Entre-temps, maintenant, bon voilà, il y a une partie qui est à la Tour Cara, à Saint-Ouen. Voilà, ça fait partie des péripéties. Puis aussi des histoires de vie. Donc il y avait notre copain Fred qui était là pour nous en parler. Il est plus là aujourd'hui avec nous. On a envie de lui rendre hommage. On passe un de ses morceaux préférés, je crois bien. Qu'est-ce qu'il t'a pris d'aller mourir à Rimini? 106.3 FPP, la jungle des luttes. On continue. Et on est avec Manuel, Jens. Manuel, tu vas commencer. Tu nous parles de cette vague de répression en Espagne. Ouais. D'abord, bonsoir. Merci pour m'avoir invité. Je voudrais dire tout d'abord que je représente aucun collectif et que je suis venu un peu par solidarité avec les arrêtés. Et je voudrais d'abord m'excuser parce que ce sont des sujets délicats. On parle des personnes qui sont emprisonnées. Ou si jamais j'ai fait une imprécision, c'est des erreurs et je m'excuse en avant. Parce qu'on a eu récemment une vague, comme vous disiez, de répression à Barcelone et Madrid. Dans les milieux libertaires anarchistes. Le 28 octobre, neuf personnes ont été arrêtées à l'issue de plusieurs, on dirait des braquages, comme on était fait, dans des domiciles personnels, et dans plusieurs espaces, centres sociaux et dans un atelier libertaire. C'était les Mossos d'Esquadra, la police catalane, à l'ordre du jugé numéro 3 de l'Audiencia Nacional. L'Audiencia Nacional, c'est le jugé central. On dirait que c'est plutôt un jugé espace judiciaire d'exception qui a amené toujours les histoires de terrorisme dans l'Espagne, parce que ces gens qui ont été accusés de terrorisme par sa façon de penser, par sa façon de s'organiser. Là, on a des moments qui ne sont pas évidents, des moments durs, et ici, dans cette ville-là, du coup, on sait vraiment ce que ça veut dire. Malheureusement, le terrorisme, du coup, accuser quelqu'un de terrorisme, c'est une accusation assez grave. Et c'est très grave d'accuser des gens de terrorisme pour penser différemment ou pour mener des assemblées, pour organiser des rencontres. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce que 3 jours après, et en Madrid aussi, un collectif Straight Edge, qui est un collectif de gens qui, aussi dans l'optique libertaire, et qui sont contre l'exploitation des animaux. Ce collectif-là, 5 personnes de ce collectif-là ont été aussi arrêtées sous l'accusation générique d'appartenir à organisations criminelles avec des fins terroristes. Ils sont liés avec les sigles GAC. Les GAC sont connus comme les groupes anarchistes coordonnés qui ont né en 2012 plutôt dans une plateforme virtuelle sur un manifeste qui était censé de repenser un peu les moments et les idées de l'anarchisme au moment actuel à l'Espagne. S'ils sont des idées anarchistes, ils sont clairement contre l'État. Du coup, ce n'est pas étonnant que l'État les trouve comme une menace et qu'il essaye de les chasser. Mais par contre, dans ce collectif-là, dans sa création, même s'il se disait qu'il résistait activement à l'État, ces gens-là se définissaient comme des gens qui n'aimaient pas la violence et qui les trouvaient comme un outil de défense, mais de se défendre, mais qui ne s'aimaient pas et se définissaient clairement contre la violence. Et ces groupes-là qui ont été arrêtés, soit à Madrid, soit à Barcelone, même si on était accusés, on n'a pas fait des actes de violence contre les personnes, parce qu'il n'y a pas eu des actes de violence terroristes contre les personnes en Espagne. Mais ils se font accuser. Et c'est important, de dire ça, parce que ce n'est pas qu'on se définit comme des innocents, mais des innocents face à l'État et qui nous supprime parce qu'on est contre... Parce que, il se positionne contre l'État, mais il faut faire honneur à la vérité. sur le fait que ces accusations-là ne sont pas sont fausses. Et c'est, ça, c'est important d'un point de vue, ce n'est pas éthique, la vérité, c'est ce qui s'est passé, mais aussi pour, comme argument pour pousser les idées anarchistes quand on critique l'État et on dit qu'ils vont contre les principes qui disent de respecter la démocratie. Voilà les exemples. Cette dernière vague de répression avec cette accusation vague de terrorisme, d'indéfinition. Mais ils ont arrêté beaucoup de gens, enfin, du coup, parce qu'on n'arrive pas à se représenter si c'est 5, 10, 15, 20. À Barcelone, c'était 9 personnes. Il y a toujours une personne qui reste en prison. À Madrid, c'était 5 personnes. Et il y a toujours des qui restent en prison préventive. L'histoire, c'est sur secret des humains, dont les avocats ont dit sur la presse qu'ils ne peuvent pas faire son boulot parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, les crimes. Oui, voilà. Cela, c'est encadré sur l'opération policière Pandora, qu'il y a déjà eu des arrestations en décembre 2014, l'année précédente. À ce moment, il y avait 11 personnes arrêtées en Catalogne et Madrid. Et c'était toujours dans les milieux libertaires. Et ils étaient aussi accusés de terrorisme. Et, par contre, ils n'avaient pas appliqué la loi antiterroriste. Ils étaient accusés d'appartenance à une organisation terroriste et la possession de matériaux inflammables et explosifs. Par contre, tels artefacts explosifs, on a été présentés comme des preuves. Aussi, en mars 2015, on a eu l'opération Piñata. Là, on a eu 38 arrêtés. Par contre, vu que les arrestations sont faites soit dans des squats ou soit dans des bâtiments, dans des logements occupés et pas occupés aussi dans des logements personnels. Là où il y avait des personnes, là où c'était des logements occupés, il y a eu des 13 et 38 arrestations. 11 étaient accusés d'usurpation de bâtiments. Et il y avait aussi, dans ces arrestations, beaucoup de solidarité, soit de ses collaborateurs, des gens qui étaient là, qui ont essayé que les camarades ne soient pas arrêtés. Et on avait 13 personnes qui ont été arrêtées par résistance à désobéir à l'autorité. Mais parmi ces 38 personnes, il y a 13 qui sont accusés d'appartenir, encore une fois, à un groupe criminel avec des fins terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils sont réquisés dans ces enquêtes policières? Ils sont réquisés des ordinateurs, des cahiers et dans les maisons ou dans les centres sociaux. Oui. Affaires personnelles. Oui, des affaires personnelles. Mais c'est les preuves qui ont été après menées dans les processus judiciaires, c'était précisément ça. Les groupes anarchistes coordonnés, les GAC, dont on parlait précédemment, on avait publié un livre qui s'appelle « Contre la démocratie », qui c'était une réunion de textes critiques avec la démocratie, mais c'était plutôt une révision historique de ce que c'était l'anarchisme, et c'était repenser ce que c'était la démocratie, et c'était faux, et essayer de proposer des alternatives. Bon, ce bouquin-là a été pris comme épreuve dans le processus judiciaire, comme appartenance à bande terroriste. Et aussi, les juges ont pris comme élément accusatoire l'utilisation des courriers électroniques sécurisés, chiffrés, comme c'est RISAP. Le fait de vouloir passer à travers, hors des mailles, oui. Oui, c'est précisément ce collectif informatique RISAP qui après a exprimé son avis. Et ils disent qu'ils font comme tous les fournisseurs de transmission de données électroniques, ils utilisent des méthodes de chiffrer pour que les communications soient privées. La seule différence, ils disent, c'est qu'au lieu de Facebook et Google qui après ont des portes derrière qui vendent l'information et ils ne sont pas une boîte et ils ne gagnent pas l'argent, ils ne vendent pas l'information. Du coup, ces courriers ont la même sécurité que tout le monde, mais ils ne les vendent pas. Ouais. Et le fait de te communiquer de façon privée n'indique pas que tu sois en train d'organiser des activités terroristes. Je crois que c'est qu'on a le droit à la privacité quand même. Bah, tu m'étonnes. du coup, ça a commencé en 2013 avec les premières arrestations. On a après eu décembre 2014 avec les Pandora et Piñata, mars 2015. Et maintenant, en octobre 2015, encore une fois, on a eu plein d'arrestations. Et il faut dire que ce type d'arrestation avec des accusations floues de terrorisme ne se restreint pas qu'au milieu anarchiste. Et on avait aussi les indépendantistes de la Galice qui ont été aussi accusés de terrorisme. Il paraît que l'État espagnol, après avoir fini, ou après que l'organisation de l'État s'est dissoute, ou plutôt qu'ils ont arrêté les attentats, ils cherchent de nouveaux ennemis publics. Même s'il n'y a pas des attentats, bon, on va faire quoi qu'il y en a. Et ça, c'est le mépris de la liberté des gens qui essayent de construire. Oui, puis je pense qu'ils ont quand même vraiment peur des gens qui pourraient être subversifs, hein, parce que je pense que concrètement, c'est vrai que vous n'êtes sûrement pas très dangereux. On n'est sûrement pas très dangereux pour le pouvoir. Franchement, on n'a pas l'impression d'être dangereux, mais pour eux, on a l'impression que finalement, il y a de quoi courir des risques. Quand tu vois qu'Ibrahim, pour des plaidoyers sur la question de l'environnement, il peut être torturé et arrêté 11 jours. Finalement, tu te dis que sans même des armes, sans même avoir menacé de mort qui que ce soit, tu peux. Donc, t'imagines, toi, quand tu es un anarchiste libertaire qui, du coup, peut écrire, d'un coup, tu deviens subversif pour eux et dangereux. C'est surtout ça qui est. Enfin, moi, ce que je trouve que ça démontre, c'est vraiment la fragilité de ces pouvoirs, puisque finalement, ils peuvent s'attaquer à des gens qui ont, dans le fond, très peu de pouvoir par rapport à eux, même s'ils croient en un monde très fortement, qui sont capables de construire des espaces où on peut vivre autrement. Malgré tout, c'est la faiblesse que ça démontre, moi, je trouve, finalement. Par contre, effectivement, il faut être, nous, forts pour pouvoir réussir à sortir les copains de ces prisons. Et justement, j'allais te demander s'il y avait un réseau comme... au Mexique, il y a un réseau assez fort sur la question des prisonniers politiques. Je me demandais si dans les différentes régions d'Espagne, il y a un réseau qui dépassait les régions pour essayer de connecter toutes ces... Il y a la Black Cross internationale qui retrouve... Et là, je crois que vous pourriez trouver des liens pour reconnecter avec les arrêtés en Espagne. Il est même déjà sous le soutien de l'opération Piñata, il y avait le soutien et aussi réprimé. La compte de solidarité pour payer les avocats et les taux judiciaires a été réquisitionné par les juges. Et ça serait pas étonnant que c'est à travers la solidarité avec les premiers arrêtés qu'ils ont retrouvé la deuxième vague des arrestations. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter, mais pas lâcher. Ouais. Donc du coup tu pouvais donner des indications, tu disais Black Cross pour les gens qui ne connaissaient pas, en fait, s'ils étaient... Malheureusement, je ne connais pas. Mais donc, c'est Black Cross, en tous les cas. Oui, Anarchist Black Cross, et ils ont un site qui s'appelle Prisoners Solidarity, où on trouve une liste de prisonniers internationaux avec leur histoire et leur adresse, comment et voilà, un peu les soutenir en leur écrivant ou en faisant des dons. Ouais, c'est important, je pense, de soutenir tous ceux qui sont enfermés de l'autre côté, qui n'ont pas de contact. On a souvent essayé de soutenir des prisonniers d'une façon ou d'une autre. Et pour ça, il faut évidemment, des fois, les connaître, c'est plus facile. On n'a pas toujours connaissance, donc du coup, on peut toujours essayer de soutenir comme on peut les copains. Et donc, justement, il y a encore beaucoup de personnes en prison de ces vagues d'arrestation. Finalement, tout le monde est sorti sur ces vagues d'arrestation qu'il y a eu jusqu'à la dernière d'octobre. Tout le monde était sorti, finalement, de prison depuis l'année dernière. Souvent, leur modus operandi, c'est laisser une ou deux personnes en prison. C'est toujours le cas pour ces dernières opérations Pandora. Il y a toujours une personne qui est en prison de Barcelone et à Madrid, et il y a deux encore. Sur les premières parties de Pandora, parce que je veux dire, ils sont en prison préventive parce que le jugement n'a pas encore eu lieu. Du coup, c'est quand même. Ça va contre les lois. Parce qu'en n'ayant pas réalisé des crimes flagrants, on ne rentre pas en prison qu'après le jugement. Par contre, ces personnes sont déjà emprisonnées. Dans la première partie de Pandora, ils sont libres, mais ils sont interrogationnés de leur passeport en attendant leur jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'après, ils peuvent se rencontrer des punitions qui peuvent aller à la dizaine d'années. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Bon, bah, merci. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne direct avec Jens pour avoir le temps de quitter le plateau parce que ça va vite. Et donc, ouais. Du coup, Yann, si tu voulais nous donner quelques petites informations. Voilà, donc tout d'abord, quelque chose qui nous concerne en tant que comité CSPCL, c'est qu'il y a eu des nouveaux disparitions d'étudiants au Mexique. Donc, il y a le gouvernement mexicain qui est impliqué dans ces affaires et on tient à dénoncer ça. Et dès qu'on a plus d'informations, on va revenir vers vous avec ça. Justement, donc pour ceux qui veulent des informations, il y a le site cspcl.ouvaton.org, donc on aura l'occasion d'en mettre le plus vite possible. Et puis, comme on vous a parlé la dernière fois du Hambacher Forst, une forêt occupée qui résiste contre une mine de charbon en Allemagne, on va vous donner quelques actualités. Donc ce week-end, en ce moment, les déforestations ont commencé. Il y a eu des occupations des arbres qui ont fini ce week-end parce que les gens ne tenaient plus. Ils se sont fait attaquer par le service de sécurité de la mine de charbon. Et actuellement, il y a encore 3 personnes qui sont emprisonnées. Il faut savoir que tous les gens qui se font arrêter, en général, se font tabasser. Et souvent, on leur refuse le traitement par un médecin. Donc, il y a plusieurs gens qui ont des nez ou des doigts cassés. Il y a des gens qui ont perdu les doigts. Et il y a une personne qui a perdu l'écoute. Et donc, il y a un appel à une semaine d'action du 20 au 29 novembre au Hambacher Forst. Donc, c'est dans la région de Cologne. Et voilà, on tient à vous dire que tous ces gens qui sont dans ces luttes-là et qui sont emprisonnés, ils se battent contre des institutions, contre un système qui est meurtrier et destructif pour la protection et la vie et pour construire un mundo que tiene muchos mundos. Donde quepan muchos mundos. On vous remercie, on vous rappelle qu'en tous les cas, il y a donc la COP 21 qui va se tenir. Vous l'avez entendu, la coalition climat avec plein d'activités, avec la marche le 29 notamment. Mais il y a aussi du coup le fameux banquet du 28, donc du coup le 28 novembre, a priori un banquet à d'enfer Rochereau, puisqu'il y a la rencontre sur le plateau de Saclay le vendredi 27, où normalement toutes les zones en lutte et en résistance et les ZAD seront présentes, puisqu'il y en a plusieurs qui devraient converger. Donc, ceux qui veulent se joindre pour le 28 8 novembre à Denfert Rochereux. Je pense que d'ici là, vous pourrez peut-être avoir des précisions. On verra quels sont quel est le contexte. Hein. Il y a la manif du dimanche, on vous l'a dit, mais en tous les cas, il y aura cette anti-COP qui continuera à avoir des activités tout au long de cette quinzaine. On vous rappelle qu'on a 20 ans, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, et qu'on continue à les fêter. Donc le 22 novembre au Vignol, vers 14h, on vous accueille pour pouvoir faire éventuellement une petite marche, là encore selon le contexte. Mais sinon, en tous les cas, on vous accueillera et on commencera la journée avec un conte rebelle, un conte écrit par le sous-commandant Marcos et lu par les copains de Tamer en Tong. Donc on commencera avec eux, on fera une petite marche, si on ne fait pas la marche, on discutera. Il y aura ensuite des projections de toute façon qui sont déjà prévues au départ et ensuite au CICP, puisque le soir il y a un concert à partir de 17h, avant, comme d'hab avec les concerts de CCC, des projections, discussions, de manière à faire pas que la teuf, mais aussi prendre le temps de partager des informations. On vous retrouve en décembre, donc le troisième lundi du mois. Vous pouvez nous réécouter pour ceux qui nous ont ratés sur le blog de la jungle des luttes. Et sinon, jeudi prochain, le matin à 8h. Merci Ibrahim, Jens, Manu, Manuel et tout, Greg pour la technique et tous les autres. Merci, à tout bientôt. Yo, what's good, Pan Am? FPP Radio. Pan Am Live. FPP Radio. Yo, what's good, Pan Am? Pan Am 106.3 FM. Live. FPP Radio. Radio. Pan Am Live. Radio. On 106.3 FM. Paris, what's good? FPP. FPP. FPP. Fréquence Paris pluriel. 106.3 FM. FPP. FPP. Radio musicale. Culturelle. Solidaire. Et politique. Retrouvez tous les programmes sur le site www.rfpp.net.